Nous retrouvons Franck Ferrand pour un jour dans l'histoire. Bonjour Franck. Bonjour Julien, bonjour à tous. Alors nous sommes aujourd'hui le 26 décembre, lendemain de Noël, et est-ce que ça vous dit quelque chose ? Oh oui, ça me rappelle le 26 décembre 1792. C'était le dernier jour du procès de Louis XVI, devenu pour ses juges simplement Louis Capet, vous savez. Son avocat Raymond de XVI prononce sa plaidoirie, appelée à marquer. Ça fait 2 semaines que le procès a commencé. Or, les députés chargés de juger l'ancien roi ne sont pas vraiment bienveillant à son égard, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est condamné d'avance, en fait. Il bénéficie tout de même d'avocats Malesherbes, Tronchet, Target, mais ce dernier se récuse et il se trouve lui trop vieux, en trop mauvaise santé. Il est vrai qu'il faut être en forme pour assurer cette sorte de défense. Ce n'est pas sans risque. C'est donc Raymond de XVI qui va remplacer Target. Mais de quoi accuse-t-on exactement Louis XVI ? Oh, alors là, vous avez l'embarras du choix. On a retenu pas moins de 42 chefs d'accusation. Pour résumer, on l'accuse de trahison, disons, et vous savez qu'on a nourrit le dossier à coups de découvertes, notamment ces documents trouvés dans une armoire de fer dissimulée dans les murs du palais des Tuileries, avec toutes sortes de correspondances avec des souverains étrangers. Les papiers n'ont pas le temps d'être lus en entier. Enfin, on n'a pas le temps de lire tous les papiers, devrais-je dire. Mais ce n'est pas nécessaire. Tout accuse ce roi bien encombrant. Et dans la nuit, Raymond de XVI va rédiger donc sa plaidoirie. Ce 26 décembre 1792, voici les mots qui résonne dans la salle du manège. Citoyens, je vous parlerai avec la franchise d'un homme libre. Je cherche parmi vous des juges et je n'y vois que des accusateurs. Français, la révolution qui vous régénère a développé en vous de grandes vertus, mais craignez qu'elle n'ait affaibli dans vos âmes le sentiment de l'humanité sans lequel il ne peut y en avoir que de fausses. Oui, une belle plaidoirie, vertus. Mais on le sait, elle ne changera pas le cours de l'histoire, c'est-à-dire éviter au roi la guillotine. Eh non, Julien, à l'issue du procès, les députés se prononcent à 387 voix sur 721 pour la mort du roi. Vous voyez que quand même c'était ric-rac cette affaire. Et le 21 janvier suivant, bien sûr, Louis XVI sera décapité.